Football des Faucons Chantier Chibougamau avec notre ami Serge Bouchard, c'est la chronique du Faucon. Salut Serge! Serge, avant de parler du match de la semaine passée, il y a eu un beau partenariat maintenant avec l'équipe des Faucons de Chibougamau. Auparavant, c'était les Faucons Barrette, puis là maintenant, ça va s'appeler les Faucons Chantier Chibougamau. Ouais, c'est ça. Ben, ça va rester. Ça va s'appeler les Faucons de l'école secondaire à la Porte-du-Nord, mais les chantiers Chibougamau, là, on les avait approchés, puis on a établi un partenariat là, pour une durée de pour les 5 prochaines années. Okay. Donc, ça va faire en sorte que sur nos vêtements, il va y avoir le logo des chantiers Chibougamau. Donc, pour ce qui est de l'équipe de football, ça va être sur les cases de football. Là, on est en train de procéder cette semaine là, à la mise en place des logos. Et pour nos autres équipes, là, volleyball, ben, ça va être sur les chandails de volleyball et sur les chandails d'hockey scolaire. OK. Donc ça implique que l'équipe, vous allez représenter Chantier Chibougamau. En retour, j'imagine, c'est une somme d'argent. C'est un partenariat de combien d'années? 5 ans. OK. Donc c'est 5 ans, évidemment. Donc c'est une belle nouvelle. Et ça assure, j'imagine, la pérennité des clubs volleyball et également football, j'imagine aussi. Ben, je dirais pas que ça assure, je dirais que ça contribue parce que c'est sûr que nous, là, quand on parle du programme Faucon de toute l'école, là, tant au niveau sportif, là, ben, tout ce qui est niveau sportif, compétitif, volleyball, football, hockey, là, mon budget là, est à peu près 85 000 $ par année, là, parce que juste en transport, là, on dépense environ 50 000 $. Donc, c'est sûr que la contribution des chantiers vient aider dans ce budget-là. Mais c'est pas ce qui assure, là. Mais c'est une contribution qui est intéressante, qui est importante, qui va nous donner un coup de main, c'est bien sûr. Dans la contribution aussi, parce que, en tout cas, je sais pas si t'es un peu familier avec l'environnement de Chibougamau, là, les chantiers Chibougamau, pour eux, le domaine culturel est aussi important. Donc, dans la somme qu'ils vont donner, à chaque année, on doit investir une partie dans le domaine culturel de l'école. Okay. Je vais mentionner, nous, on a un festival là, au mois d'août qui s'appelle le Festival en août. C'est de la musique, des spectacles. Le chantier donne aussi une contribution très importante à ce festival-là. Donc, comme je te dirais, c'est un partenariat, c'est une aide supplémentaire pour nous. C'est une belle visibilité pour eux. Donc, ça faisait l'affaire de tout le monde, là, et on est très contents là, qu'ils nous aident dans notre projet. C'est pas l'avenir un peu de avec toutes les coupures dans l'éducation, c'est pas l'avenir de genre de partenariat, le privé va investir dans les études un petit peu pour aider, justement? Oh oui, je dirais qu'on n'est pas les seuls, là. On n'est pas les à le faire, on n'est pas les seuls. Même dans tout le réseau du sport étudiant là, du Québec, les équipes universitaires qui sont vraiment. Il y a des gros partenariats maintenant qui s'installent avec des compagnies privées, à différents niveaux aussi. Là. Donc, je pense que maintenant, c'est vrai qu'avec les coupures, le gouvernement donne moins de subventions, moins d'argent. Donc, c'est sûr que le privé, puis. Tu sais, nous, à l'école, on forme quand même des citoyens. Puis pour exemple, dans notre milieu, là, les chantiers Chibougamau, là, je dirais que bon nombre, je veux pas le pourcentage, là, mais assurément bon nombre de jeunes qui terminent leurs études à Chibougamau, à un moment donné, risquent qu'ils reviennent. Puis il y en a gros qui vont aller travailler dans ces entreprises-là. Là, donc, pour eux autres, ben c'est aussi leur clientèle, c'est aussi leurs jeunes que leurs parents travaillent là. Donc, c'est à un moment donné, ça vient, c'est comme tout le monde se connaît, tout le monde, c'est comme une famille, si on peut le dire, dans ces milieux-là. Mais oui, le partenariat là, des compagnies privées devient, j'espère, que ça va être de plus en plus comme ça dans différents milieux, parce que ça va être vraiment là, pour le développement du sport et des autres. OK. Parlons du match de 22, défaite de 22-6 contre les Lynx d'Alma. Ça se passait, je pense que c'était à Alma la semaine passée. Parlons du match. Oui, c'est ça, ça se passait au Centre d'Alma. Ça a été un bon match de notre part. Je te dirais que même à un certain moment donné, on a pris les temps. On est 6-2. À la fin de la demi, il restait une quinzaine de secondes. Là, ils ont marqué un touché, ce qui portait le compte à 9-6. Mais je dirais que la part de la majeure partie de la première demi, là, on a mené au tableau indicateur. Donc, ça, pour nous, c'était important, là, parce qu'on sait que les Lynx, traditionnellement, ont toujours des bons programmes de football. À la deuxième demi, on était, je dirais, un peu malchanceux, dans le sens que les Lynx ont parfois échappé le ballon, mais ils ont réussi à recouvrir. Nous, quand on échappait le ballon, c'est eux qui l'ont recouvert. Après ça, sur deux interceptions, ils ont fait des touchés. Donc, sur des retours d'interception, et là, ben, c'est sûr que quand tu donnes deux touchés là, en défensive là, à l'autre équipe, c'est dur de s'en remettre. Et là, en tirant de l'arrière, on était un peu prévisible. On essayait encore de jouer un peu plus par la passe. Puis, c'est ça, on s'est fait intercepter à quelques reprises. Là, donc, mais je dirais que potentiellement, là, je voyais que en gros, une nette amélioration par rapport à notre premier match là, contre les Cyclones de Charles-Gravel. Puis c'est correct comme ça, c'est du cadet, ils sont en développement, ils apprennent, on a fait des erreurs, mais l'effort était là, l'intensité était là, puis on était bien heureux là, du dénouement du match, parce que le pointage, ça nous apportait un peu, c'était vraiment la façon dont on a joué là, contre une équipe qui, je l'avais imaginé avant même le début de la saison, qui allait finir là, dans les deux premières au classement. Okay. En fin de semaine? Ça ressemble à quoi? Oui, en fait, ça va être encore moins facile. C'est contre les Centurions. Oh, puis les Centurions ont une grosse équipe. Les Centurions, c'est. Hier, je parlais avec Steven Girard de Dolbeau Mississini. Puis c'est une équipe à maturité, hein? Oh, oui, c'est ça. Puis ils ont un bon gros bassin de joueurs. Ils ont beaucoup de joueurs. Je parlais avec David Boudreau, là, le responsable des sports au mois d'août, puis il disait que c'était l'année là, pour son équipe. Là. D'ailleurs, les Centurions ont battu les Lynx en début de saison, là, dès le premier match de la saison. Donc, non, c'est l'équipe à battre cette année, c'est leur année. Puis c'est encore un autre beau défi pour nous, je veux dire, mais je m'attends à ce que ça soit difficile. Difficile parce que si mes joueurs prennent ça à la légère, quoi que c'est rarement le cas, mais si on donne des cadeaux aux Centurions, si on fait des on lance des interceptions, si on échappe des ballons, c'est certain qu'ils vont en profiter. Il va falloir un match impeccable. On va le voir lundi, mais c'est sûr que c'est l'équipe là, la plus forte là, du niveau cadet, donc ça va être notre match. Le match est quand? C'est lundi? Ouais, c'est lundi à 2h à Chicago. Ah, OK. Donc, évidemment, c'est congé de l'Action de grâce. C'est pour ça qu'on a décidé de faire ça à 14h lundi. Serge, on se reparle jeudi prochain. C'est la chronique des Faucons, changé Chicago avec l'instructeur-chef Serge Bouchard.